Ah, ça, voyons, ma petite, dit Bette, en voyant rouler des larmes dans les beaux yeux de sa petite cousine. Il ne faut pas désespérer. Un verre plein de tes larmes ne payerait pas une assiette de soupe. Que vous faut-il? Mais 5 à 6 000 francs. Je n'ai que 3 000 francs au plus, dit Lisbeth. Et que fait en ce moment Wenceslas? On lui propose d'entreprendre pour 6 000 francs de compagnie avec Stidmann un dessert pour le duc d'Hérouville. Monsieur Chanor se chargerait alors de payer 4 000 francs dus à messieurs Léon de Laura et Brideau, une dette d'honneur. Comment? Vous avez reçu le prix de la statue et des bas-reliefs du monument élevé au maréchal Montcornet, et vous n'avez pas payé cela. Mais, dit Hortense, depuis 3 ans nous dépensons 12 000 francs par an, et j'ai 100 louis de revenus. Le monument du maréchal, tout frais payé, n'a pas donné plus de 16 000 francs. En vérité, si Wenceslas ne travaille pas, je ne sais ce que nous allons devenir. Ah, si je pouvais apprendre à faire des statues, comme je remuerais la glaise, dit-elle en tendant ses beaux bras. On voyait que la femme tenait les promesses de la jeune fille. L'œil d'Hortense étincelait. Il coulait dans ses veines un sang chargé de fer, impétueux. Elle déplorait d'employer son énergie à tenir son enfant. Ah, ma chère petite Bichette! Une fille sage ne doit épouser un artiste qu'au moment où il a sa fortune faite, et non quand elle est à faire.